France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une très sombre histoire qui en dit beaucoup sur l'inhumanité de l'humanité. En 1992, 9 clandestins, un Camerounais et 8 Ghanéens, embarquent sur le cargo MC Ruby dans deux ports africains. Âgés de 17 à 25 ans, ces jeunes dockers fuient leur vie de misère et emportent avec eux toutes leurs économies et leurs rêves d'Europe. L'Eldorado, pensent-ils alors. À bord du MC Ruby, un cargo qui transporte des fèves de cacao, ce sont des marins ukrainiens qui gèrent la traversée. Eux aussi ont fui leur pays pour un salaire meilleur ailleurs. L'URSS s'est terminée. Ils subissent désormais les lois du marché capitaliste et le monde de la marine marchande est l'un des plus brutaux. Ces marins ont une consigne claire. Ne pas ramener de clandestins dans leur cale. Sinon, c'est l'immobilisation dans les ports, les amendes et possiblement une perte de salaire, que des ennuis. Alors quand des matelots découvrent les 9 clandestins à bord du cargo, ils les enferment dans une cuve en attendant de régler le problème, autrement dit, de les tuer. Notre invité d'aujourd'hui, Philippe Broussard, journaliste, actuel directeur adjoint de la rédaction du Monde, auteur de l'enquête « L'Odyssée tragique du MC Ruby » qui lui a valu en 93 le prix Albert Londres. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Mora, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nuit du 6 novembre 1992, Port du Havre. Le cargo MC Ruby vient d'amarrer. Les turbines s'arrêtent. À l'intérieur, Kingsley Ofosu comprend que c'est le moment de s'échapper. Il se pense en Europe. Mais où ? Hambourg ? Le Havre ? Le jeune clandestin est complètement désorienté. Il n'a pas mangé depuis 6 jours. Caché dans la cale, au milieu de tonnes de fèves de cacao, il a vécu une traversée cauchemardesque. Avant de trouver une issue, il dépose sa carte de docker entre 2 sacs de la cargaison et prend quelques fèves de cacao dans sa poche. Il pourra ainsi prouver qu'il était bien sur le cargo MC Ruby. Il trouve une porte, verrouillée. Il faut découvrir une autre sortie. Alors, il observe chaque recoin. Oui, là-haut, c'est une bouche d'aération. Sa chance. Il grimpe à l'échelle, fait sauter la grille rouillée de la bouche et se faufile dans une cheminée d'aération. Sorti de la cale, il est maintenant sur le pont, à la merci des matelots. Il raconte la suite dans les livres clandestins écrits par Alain Lorme. Alors, je saute du bateau sur le quai. 4 mètres. J'ai commencé à courir. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas dans quel pays je me trouve. Si je vois un homme blanc, je lui demande où est le poste de police. J'ai croisé un homme, mais ma chemise était pleine de sang. J'ai rencontré un autre homme et j'ai hurlé « Police Station ». Il comprenait pas. « Police ! Police ! Police ! » Il m'a montré la direction. Je recommence à courir. Il y a une petite flaque. Je me mets à genoux, je lappe, j'ai trop soif. Ensuite, il franchit un grillage, puis un deuxième. Il s'accroche au barbelé, il est blessé, il saigne. Mais il est enfin sorti du port. Devant lui, un panneau autoroutier annonce « Rouen-Paris péage ». Paris, c'est quelle capitale européenne déjà ? Kingsley a du mal à mettre de l'ordre dans ses idées. Dans le man's land des bretelles autoroutières et dans le silence de la nuit, un véhicule de nettoyage passe à faible vitesse. Kingsley saisit l'occasion. Il se rue sur le petit camion, s'agrippe à la portière. « Police, police » demande-t-il. « Toujours et encore. » Le conducteur lui indique du doigt un bâtiment, là-bas, au loin. 4h du matin, il fait nuit, il fait froid. Affamé, assoiffé, fatigué. Kingsley trouve enfin le commissariat. Le policier voit débarquer cet homme qui lui parle en anglais. Derrière le comptoir, le fonctionnaire lui lance un « casse-toi » avant de reprendre sa tasse de café. Mais Kingsley insiste, il doit raconter quelque chose de très important. Oui, une histoire horrible. Un policier qui parle anglais arrive enfin pour l'écouter. Mais avant tout, Kingsley demande de l'eau et boit 12 heures devant les fonctionnaires ébahis. Puis il se lance. Il est clandestin. Il a fait la traversée avec 8 autres hommes. Les marins les ont tous tués. Lui seul a survécu. Oui, il peut prouver qu'il était sur le MC Ruby. Il sort de sa poche les fèves de cacao Et puis, j'ai laissé ma carte de docker à l'intérieur de la cale, dit-il. Les policiers le croient. Comment aurait-il pu inventer tout ça? Alors il vérifie. Oui, il y a bien un cargo MC Ruby dans le port du Havre. Il est arrivé en provenance du Ghana. Tout colle avec l'histoire de Kingsley Ofosu. Pas de temps à perdre, le cargo doit rapidement repartir. Le procureur trouve un moyen juridique de lancer une procédure, la piraterie. Même si les actes ont eu lieu en haute mer, la France peut enquêter en vertu de la convention de Montego Bay, signée en 1981, sur les actes illégitimes de violence en haute mer. Le jour même, des policiers se présentent devant le cargo. Le capitaine ukrainien les accueille. Oui, qu'est-ce que vous voulez? L'officier, c'est une perquisition, laissez-nous monter à bord. Kingsley montre sa carte de docker cachée sous un sac de cacao. Encore terrorisé par les marins, il les identifie à travers un hublot. Et les plongeurs découvrent un peu plus tard dans les eaux du port un fusil d'assaut, une pièce à conviction. L'enquête avance vite et 6 marins sont identifiés. 4 avouent, 2 nient. La justice française parvient à les inculper. Et les faits sont gravissimes. Complicité d'assassinat, extorsion de fonds, séquestration et actes de piraterie. Cette histoire de clandestin tué sur un cargo et jeté en pleine mer fait la une du JT de Haute-Normandie. Le procureur, Marc Faubert, avoue que ce récit lui fait froid dans le dos, ajoutant « Pourtant, dans ma carrière, j'en ai vu des crimes abominables. » Mais rationnel, magistrat, il revient vite à l'analyse. On a un petit peu l'impression qu'ils ont débattu de ce problème et qu'ils n'ont pas trouvé, qu'ils n'ont pas réalisé qu'il est le côté inhumain de la manière dont ils l'ont résolu. Hein. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que l'un d'eux nous a dit qu'à bord de certains cargos de certaines nationalités, c'était un petit peu la règle. Revenons 2 semaines plus tôt, au mardi 20 octobre 1992, à Takoradi, 3e ville du Ghana. Le cargo MC Ruby fait son entrée dans le port. Ni bateau rouillé, ni géant des mers, 140 mètres de long, couleur noire et jaune, âge 13 ans, équipage majoritairement ukrainien, cargaison, fèves de cacao. Sur la coque, on peut lire en lettres blanches MC Ruby. Les dockers commencent à charger le cargo. C'est un travail éprouvant. 12 heures de labeur pour 2 dollars. Ces journaliers sont les derniers maillons de la chaîne de l'exploitation des ressources africaines, pour ne pas dire pillage. Chaque jour, ils transportent des charges lourdes. Et ce jour-là, des sacs de 64 kilos de fèves de cacao. Début du chargement, 5 heures du matin. Dans son livre « Clandestin », Alain Lorme explique à quel point ces hommes sont les victimes de tout un système. Dans ce pays de pauvreté sociale et d'abondance forestière et minière, Kingsley Ofosu serre les dents pour survivre. Mais l'acharnement, la volonté ne servent à rien. Il est broyé. Tout ce prolétariat urbain de travail discontinu et de gains médiocres, tributaire des arrivées de bateaux à charger, dépend de décisions qui le dépassent. Les compagnies multinationales qui tirent les ficelles, le stockage et le déstockage en Europe et leurs actions sur les prix, les spéculateurs, les secrètes combines de maisons de commission, les achats de couvertures et enfin l'alliance britannique des négociants en chocolat qui règnent en maître. Le gouvernail de leur destinée est en de multiples mains. Côté marin, ça n'est guère mieux. Avec l'effondrement de l'URSS, les Ukrainiens sont devenus une main-d'œuvre bon marché pour les armateurs. Moins cher que les Philippins, par exemple. Chercher les plus bas salaires est l'obsession des compagnies de transport. À Odessa, en Ukraine, des sociétés se sont spécialisées dans la vente clé en main d'équipages de marins. Des vendeurs d'hommes, en quelque sorte. À Odessa, nombreux sont ceux qui fuient la vie d'ouvrier pour un statut plus enviable de marin. On est loin de la famille, certes, mais on ramène une bonne paye à la fin. Dans la ville, il y a une sorte de hiérarchie sociale, résumée par cet adage. Ici, un ouvrier se déplace à vélo, un marin en Toyota et un truand en BMW. Sur le MC Ruby, les marins disposent d'une piscine en plein air et d'un magnétoscope. Ils peuvent améliorer leur quotidien en se livrant de petits trafics de marchandises qu'ils achètent et revendent selon les régions du monde où ils passent. Cette fois, ils transportent du cacao d'Afrique jusqu'en Europe. Et la route est simple. Mais le circuit financier des sociétés qui procèdent au transport, lui, a de quoi donner le tournis. C'est la mondialisation par l'exploitation. Explication sur France 3. L'histoire de la croisière sanglante commence au Cameroun. Voilà un de ces scénarios plausibles. L'armement national camerounais n'a pas de bateau disponible pour expédier sa cargaison en Europe. Pour trouver un navire, Cameroun Shipping contacte alors une société d'affrètement, allemande, semble-t-il, dont le siège est installé dans un paradis fiscal. Sur le registre international des bateaux disponibles, il y a le Mack Ruby. Il n'est pas cher, il est immatriculé aux Bahamas. On n'en connaît toujours pas le propriétaire. Reste à trouver l'équipage. De sources judiciaires, les pistes s'orientent vers Chypre, où un ex-soviétique aurait fondé une société spécialisée. Dans les milieux maritimes, on appelle ça un marchand d'hommes. C'est lui qui recrute la vingtaine d'Ukrainiens. Comme le bateau, l'équipage est engagé au prix le plus bas possible. Ce 20 octobre 1992, parmi les dockers qui chargent le cargo, il y a donc Kingsley, 22 ans. Il vit avec moins de 5 dollars par jour, à peine de quoi manger. Dans un mois, il sera papa. Sa femme Agnès est enceinte. Pourtant, c'est décidé, il va tenter la traversée. Comme de nombreux dockers à travailler dans le port, il a des envies d'Europe. Après tout, il suffit de monter dans l'un des cargos qu'il charge à longueur de journée. Le port grouille de marins et de dockers, se fondre dans la masse et passer. De plus, un copain l'a prévenu. Le MC Ruby part pour Amsterdam, Hambourg et Le Havre. Autrement dit, France, Allemagne, Pays-Bas. Des destinations qui font rêver ces jeunes Ghanéens. Kingsley n'est pas le seul à partir. Il y a son petit frère, Albert, 19 ans, et deux amis. La mère agitée retarde le départ et laisse du temps à Kingsley pour faire ses adieux. Il se rend ainsi sur le marché pour voir sa mère qui vend des légumes et rassemble toutes ses économies, près de 1000 dollars. À sa femme Agnès, il fait la promesse, il lui achèterait une machine à coudre. Samedi 24 octobre, le cargo MC Ruby est prêt à prendre la mer. Kingsley, son frère Albert et leurs deux amis profitent du dernier chargement pour se cacher dans la cale numéro 3 du cargo. Surprise, d'autres dockers ont eu la même idée. Finalement, ils sont 8 à être montés clandestinement. Vite, il faut trouver une cachette pour ne pas être repéré lors de la dernière inspection des marins. Les 8 Ghanéens découvrent vite un Camerounais monté seul à Douala. Avec eux, ils n'ont plus que l'essentiel, un peu de pain, des biscuits et surtout des rêves. Chacun le sien. Une fois l'inspection des marins terminée et le cargo en mer, les 9 clandestins sortent de leur cachette et se rassemblent pour partager eau, nourriture, anecdotes et rêves. La discussion va bon train. Dans le téléfilm américain Deadly Voyage, adapté de cette histoire, ces clandestins font part de leur projet. Les scénaristes ont remplacé l'Europe par les États-Unis. Extrait. Je veux devenir électricien. Tout le monde cherche des électriciens. Mon frère et moi, on veut devenir ingénieur. Oui. Pourquoi pas footballeur? Je ferai partie de votre équipe. Beau. C'est trop risqué pour élever une famille. Et les Américains jouent pas au même foot que nous. Je serai un bon marin, comme mon père. C'est bizarre, personne ne connaît ton père. Je veux devenir cuisinier, tout comme mon père, un chef. Vous pouvez toujours rêver, moi je serai un boxeur professionnel, un poids lourd. Chauffeur de taxi. Un taxi jaune, je les ai vus à la télé. Sage-femme. Hé, hey, pourquoi vous riez? Il y a des hommes qui font ce métier. Les marins ukrainiens, eux, regardent les nouvelles cassettes vidéo qu'ils ont trouvées en escale et profitent d'un petit bain dans la piscine extérieure, sur le pont. Il y a un représentant de l'armateur, Veship. Alors on se tient à carreau. La vodka ne coule pas à flot. De toute manière, au dire des marins, on s'amusait mieux du temps du RSS. Oh, il y avait les commissaires politiques, oui, mais il n'y avait pas cette obsession pour le rendement, pour l'argent. Au bout du 5e jour de traversée, les 9 clandestins ont épuisé leurs réserves d'eau. Et l'enthousiasme fait place à l'inquiétude. Il faut trouver une solution, vite. Ben, Bob et Beau partent alors en expédition. Sortir de la cale, grosse prise de risque. Mais ils y vont et ils parviennent à remplir des bouteilles. Ils sont accueillis en héros à leur retour. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'ils ont laissé des traces lors de leur mission. Des empreintes de pas sur la peinture fraîche. Le lendemain de l'escapade, 6 marins pénètrent dans la cale numéro 3. Certains sont armés de couteaux, d'autres de revolvers. Ils ne mettent pas beaucoup de temps à retrouver les clandestins. En anglais, l'un des Ukrainiens lance « Qui êtes-vous ? » Apeuré, aucun des clandestins n'ose répondre. D'où venez-vous ? Enchaîne le marin. Silence. Et finalement, c'est Kingsley qui se lance. Nous sommes Ghanéens, montés à Takodari. Il y a aussi un Camerounais, monté à Douala. Nous voilà en Europe. Avez-vous de l'argent ? Oui, ils en ont. Ils ont rassemblé toutes leurs économies avant de partir. 2 600 $ et 300 marques. Ok, préparez ça, on reviendra pour vous installer ailleurs. Le journaliste Philippe Broussard raconte la suite dans son enquête « L'Odyssée tragique » du MC Ruby. Les matelots s'en vont, bouclent les accès de la cale. La perspective d'un déménagement n'inquiète pas les clandestins. Peut-être perdront-ils des dollars dans cette opération, mais au moins, ils voyageront dans des conditions décentes et seront nourris. La nuit suivante, les 6 hommes reviennent effectivement pour collecter les dollars et conduire les 9 clandestins à l'avant du bateau. Un à un, ils les poussent dans une sorte de cuve, un trou de 4 mètres sur 3, avec un panneau d'acier en guise de porte et une échelle pour escalier. Le panneau se referme, 3 jours vont passer. La nourriture promise n'arrivera pas. Les marins ne donneront pas signe de vie. Un matin, simplement, l'un des matelots leur lancera 3 bouteilles d'eau en criant qu'il n'y a rien à manger. Dans les jours qui suivent, la rumeur commence à circuler parmi les 26 membres d'équipage. Des Africains sont à bord. Personne ne confirme, mais le bruit court. Il faut dire que des histoires de clandestins sur le MC Ruby, il y en a eu une récemment avec des migrants débarqués à Rotterdam, mais c'est un mauvais souvenir. Des amendes pour l'armateur et des retenues sur les salaires des marins. Vous n'avez pas assez surveillé le cargo lors du chargement, leur avait-on dit. Alors, que vont faire les marins de ces 9 clandestins? Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. Dans la nuit du 2 novembre, les marins font sortir les clandestins de la cuve. Sur le pont, ils les battent, les tuent, puis les jettent à l'eau. Parmi les 8 victimes, Albert, le frère de Kingsley. Un des membres d'équipage m'a frappé sur la tête, ici, avec une barre de fer. Et le sang a commencé à couler. Alors, j'ai essayé de m'échapper, de courir, et puis j'ai entendu une voix dans mon dos. C'était mon frère qui hurlait. My brother, he said, Kujo, Kujo, Kujo, Je me suis retourné et j'ai vu un des membres d'équipage attraper mon frère et le jeter par-dessus bord. Sous le choc, Kingsley ne pense qu'à une chose, sauver sa peau. Il court alors sur le pont du cargo, les marins lui tirent dessus. Il évite des balles et parvient à retrouver sa première planque. Au fond de la cale numéro 3, au milieu des sacs de fèves de cacao, il reprend son souffle. Il vient de voir son frère mourir. Il est seul, avec tout un équipage qui le traque. Il raconte la suite à un journaliste du Nouvel Observateur. Ils avaient des torches électriques, ils criaient. Ça a duré des heures et des heures et ils ont fini par partir. Je ne bougeais pas. Ils sont revenus régulièrement, deux fois par jour. Ils fouillaient, ils criaient. J'avais peur, j'avais faim, j'avais soif. J'étais fatigué. Je savais qu'ils avaient tué tous les autres. Et ils savaient que je savais. C'était dans la nuit du 2 au 3 novembre 1992. Le cargo MC Ruby filait au large des côtes portugaises. Les six marins qui ont enfermé les neuf clandestins dans une cuve se sont concertés. Et en pleine nuit, deux d'entre eux ont ouvert le panneau qui donne accès à la cuve. Ensuite, les marins tendent des ficelles de coton dans toute la salle. Si Kingsley passe, le fil cède et les marins accourent. Sans eau ni nourriture, ils se disent qu'il ne tiendra pas longtemps le seul rescapé. Kingsley n'a d'autre choix que d'uriner dans sa chaussure pour boire et s'hydrater. Combien de temps va-t-il tenir ? Jour après jour, la chasse à l'homme se poursuit. Affamé, assoiffé, frigorifié, il se raccroche à un infime espoir, la prochaine escale. Jeudi 5 novembre, le paquebot arrive au Havre. Kingsley a peur de bouger. Il est exténué par six jours de jeûne. Mais c'est la seule opportunité. Il faut qu'il sorte de sa cache. Les marins, eux, se disent que c'est impossible. Et pourtant, comme nous l'avons raconté au début de ce récit, il parvient à s'échapper et à prévenir la police. Le lendemain, les marins sont arrêtés et emprisonnés. Pourquoi ont-ils tué les huit clandestins ? Il faudra attendre le procès pour qu'ils s'expliquent. Rouen, 13 novembre 1995, Palais de justice. C'est l'ouverture du procès du MC Ruby. Pour la première fois depuis 3 ans, Kingsley va recroiser le regard des assassins de son frère. Ils sont 6 à comparaître. Avec une question, pourquoi ont-ils tué les 8 clandestins ghanéens et camerounais ? Isabelle Coutant-Père, avocate des familles des victimes, estime que les responsables de ces crimes sont aussi les armateurs qui font naviguer des bateaux sous pavillon de complaisance. Je crois que les vrais clandestins sont en réalité chez les armateurs, puisqu'ils changent en permanence de domiciliation, de nom, et toujours dans des nébuleuses de zones franches ou paradis fiscaux. Et je veux qu'aujourd'hui, ils s'expliquent. Ce 13 novembre 1995, c'est un peu le procès de la marine marchande mondiale qui commence. Car combien de clandestins ont déjà été jetés par-dessus bord ? Combien de drames oubliés ? Si Kingsley n'avait pas survécu, qui aurait pu raconter l'histoire de ces 8 migrants ? Aujourd'hui, le seul survivant croise le regard des assassins. Il détourne le sien et ne peut retenir ses larmes. Le procès va être une longue épreuve. Il confie à la télévision. « Vous savez, dans ma tête, ce n'est pas facile. Même après des milliers d'années, je ne pourrais pas oublier. Ils ont tué mon frère et mes amis. » 2 jours seulement après le début du procès, les débats s'enlisent. Faux départ pour le procès du MC Ruby. Après 2 jours d'audience, les débats s'enlisent et l'acte d'accusation n'a toujours pas été lu. Un record de lenteur en matière de justice. Le tribunal se perd dans des problèmes d'organisation et de procédure. Victimes et accusés avouent ne rien comprendre à ce qui se déroule sous leurs yeux. Les 6 marins qui risquent perpétuité dans cette affaire ne bénéficient toujours pas de la traduction totale des débats. Les cabines de traduction simultanées installées en toute hâte ne fonctionnant pas. Quant à Kingsley Ofuzu, le seul survivant du drame, perdu dans les multiples incidents de procédure, il s'endort durant les nombreuses suspensions d'audience. Il attendait pourtant ce procès depuis 3 ans. Le lendemain, la présentation des accusés commence. 5 Ukrainiens et un Abkhaz, du Caucase donc. D'abord le commandant, Vladimir Ilnitsky, 60 ans, 40 ans de navigation, genre irréprochable. Intelligent et cultivé, dit-on, la presse ukrainienne rapporte qu'il aurait déjà sauvé des boat people. À ses côtés, le commandant second, Valery Artemenko, 34 ans, très ambitieux. Il doit une partie de sa carrière à Ilnitsky, comme un père pour lui. Il y a aussi Oleg Mikhail Evzivsky, 35 ans, le cuisinier. Ce grand blond a fait une tentative de suicide en détention. Côté matelot, voici Pitre Bondarenko, 36 ans, 1m86, ancien parachutiste en Afghanistan, c'est le costaud de la bande. Enfin, Sergei Romachenko, 34 ans, et Jamal Arakamiya, 33 ans. Lui n'est pas ukrainien, Vladimir Abkhaz, et c'est le seul à nier les crimes. Il clame son innocence. La question de ce procès, plus que la culpabilité, reste le mobile de ces crimes. Gilles Raymond, responsable de la sécurité chez l'armateur Delmas, explique à quel point la question des clandestins est un sujet préoccupant dans le transport maritime. Il y a des pays européens où on ne peut pas débarquer simplement le passager clandestin. On ne peut pas imaginer que l'armateur va payer tout ce qui sera nécessaire pour le rapatrier. Donc je dirais que l'armateur, là, est pris en otage des deux bords, par les passagers clandestins qui ont fait une intrusion à bord et par les autorités locales qui n'autorisent pas qu'on puisse s'en débarrasser. Mercredi 22 novembre, 8e jour d'audience. Kings Kleofoussou, le rescapé, va pouvoir s'exprimer. Depuis une semaine, il suit les débats d'un air détaché. Trop parfois, son avocat lui a dit d'arrêter de s'endormir pendant les débats. Lorsqu'il prend la parole, il déroule le scénario de son horrible odyssée dans un anglais approximatif. Il rappelle le nom de son frère, de ses amis. Le ton est monotone, monocorde. Puis Kingsley craque en évoquant son frère. Il sanglote. La salle d'audience est submergée d'émotions. Le président, lui, essaie de déterminer précisément les faits. Quel marin a fait quoi? De nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir après cette audition qui a marqué les jurés. Mercredi 29 novembre, 13e jour. Le procès qui ne devait durer qu'une semaine se prolonge. Un public toujours plus nombreux se presse au tribunal. Depuis deux semaines, tous les co-accusés semblent désigner un homme comme commanditaire des assassinats, Valérie Artemenko, le commandant second. Oleg Mikhail Evski, 35 ans, le cuisinier, confesse « J'ai tué, mais je ne voudrais faire porter cette croix à personne d'autre ». Avant d'ajouter que c'est le commandant second Artemenko qui lui a donné l'ordre de jeter les clandestins par-dessus bord. Il m'a dit « Ce ne sont pas des hommes. Ils n'ont pas de papier, ils ont l'air d'être évadés de prison et ils sont très agressifs. Je suis sûr qu'ils vont tous nous tuer. » Oleg croit son chef, Artemenko, qui cherche à le rassurer. « N'aie pas peur, ça se fait sur tous les bateaux. » À travers les différents témoignages, un scénario se dessine. Les trois matelots qui frappent à coups de barre de fer tirent au fusil et jettent les corps par-dessus bord. Le quatrième marin, Arakamiya, clame son innocence et tout le monde le disculpe. Restent les deux chefs de l'équipage. Ont-ils donné l'ordre? C'est l'une des grandes interrogations de ce procès. Mais un événement va venir perturber les audiences. Coup de théâtre ici ce matin au palais de justice de Rouen. Les débats n'ont pas repris. Valérie Artemenko, l'officier second, celui qui aurait ordonné le massacre des clandestins, a tenté de se suicider ce matin à l'aube. À 6h30, il s'est pendu au barreau de sa cellule avec son survêtement. Il ne doit la vie sauve qu'à l'intervention in extremis de deux de ses co-détenus. Le président Jean Reynaud, à la reprise théorique des débats, a immédiatement rédigé une ordonnance afin qu'Artemenko, qui est sur pied, soit réexaminé par des médecins avant le début de son passage à la barre, prévu pour 14 heures. Vendredi 1er décembre, la troisième semaine d'audience s'achève avec toujours plus de public dans la salle. Ce jour-là, c'est Artemenko justement qui s'exprime. Présenté comme un fanfaron et un beau parleur par ses co-accusés, le commandant second montre un tout autre visage. Il affiche une droiture morale, loin du fourbe qu'on décrit. D'ailleurs, sa récente tentative de suicide va à l'encontre de son image de monstre froid. Et sa ligne de défense est claire. Ce n'est pas lui qui a pris la décision de tuer. Non, il a transmis des ordres venus de son supérieur, le commandant Ilnitsky. Et les co-accusés continuent de se charger mutuellement. Alors, qui dit la vérité? Le commandant affirme que c'est son second qui a pris l'initiative. Et il plaide la négligence. J'avais trop de travail. C'est pour cela que je n'ai pas envoyé Telex dès la découverte des clandestins. Alors, il aurait laissé Artemenko régler cette situation. Dans son réquisitoire, l'avocat général réclame des sanctions exemplaires. Il souhaite que la Cour donne un terrible avertissement sur toutes les mers. Précision de France 3. Le magistrat a des mots très durs. Perpétuité pour Artemenko, l'officier en second, l'instigateur. Pour Romachenko, l'homme au M16 qui tue par plaisir. Pour Bodarenko, l'ancien d'Afghanistan qui tue sans ressentiment. Pour Mikhalevski, le cuisinier qui pleure, mais qui tue. Pour Arakamiya, le trafiquant qui clame son innocence, mais qui ment. Pour Ilinski, le commandant, complice de ne pas avoir fait le geste qui aurait pu tout arrêter. Les quatre avocats des parties civiles qui ont plaidé jusque tard dans la nuit hier avaient chacun énoncé ce qui, selon eux, serait le mobile du massacre. Pour simplifier à l'extrême, disons que pour la Ligue des droits de l'homme, c'est un vol matiné de racisme qui a conduit au massacre. Pour celui des disparus, c'est, je cite, le poids des consignes de l'armateur qui a pesé sur le commandant et sa garde rapprochée qui a conduit au génocide. Fin de citation. Dimanche 10 décembre, 3h du matin. Le verdict du procès M.C. Ruby tombe. Pendant 12 heures, les 9 jurés ont dû démêler les fils de cette affaire et répondre à 812 questions. Et ils prononcent un verdict plus nuancé que le réquisitoire qui demandait perpétuité pour tous. Le matelot Arakamiya, d'origine abkhaze, qui a toujours clamé son innocence, est acquitté. Kingsley, qui est sûr pourtant qu'il faisait partie des tueurs, réagit devant la caméra de France 3. Je conteste la décision concernant Arakamiya. Pourquoi l'ont-ils libéré? You think they don't believe you? Vous estimez qu'ils ne vous ont pas cru? Why, they didn't believe me because ils ne m'ont pas cru. Pourquoi? Parce que je suis seul. Les trois matelots qui ont tué sont, eux, condamnés à 20 ans de prison. Et certains sont soulagés, ils sortiront un jour. Côte à côte, dans le box, le commandant Ilitsky et son second Artemenko. Silence dans la salle. Les visages sont tendus, fatigués aussi, comme ceux des 9 jurés. Il n'y a pas eu de doute pour le sort des deux chefs. À la majorité absolue, ils ont voté perpétuité. Les deux hommes plient sous le poids de la peine, car il n'y a pas d'appel à cette époque en cour d'assises. Du côté des avocats des parties civiles, on se félicite de cette sanction exemplaire. C'est un message fort envoyé aux marins du monde entier. Isabelle Coutempère, l'avocate des victimes, réagit sur France 3. Pour la première fois au monde, en fait, un équipage a été jugé. Ça a permis de faire ressortir quand même que les marins ne peuvent pas être sans foi, que les armateurs ne peuvent pas continuer à être toujours sans loi. Il faut également que l'armateur soit condamné sur le plan financier, à garantir le choix qu'il fait de ses équipages et à donner des instructions suffisamment sérieuses pour qu'on ne jette plus les passagers clandestins à la mer. Quant au procureur Marc Gobert, profondément choqué par ce massacre, il explique que ce verdict est un exemple pour le monde entier, décidément. Exemple ou pas, Kingsley Ofosu, lui, n'a jamais réussi à trouver sa place en France. Son histoire a été adaptée par la chaîne HBO, qui en a fait un téléfilm, Deadly Voyage. Mais il aurait été floué par ses producteurs qui ne lui auraient pas versé la totalité des droits. Victime jusqu'au bout d'un système qui exploite la misère jusqu'au dernier dollar, il est retourné vivre au Ghana. Venu des hauts plateaux, incendié par la guerre, écrasé de soleil, les fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginez la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme le trêve. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu que tes repères à des millions de pas. On est venu à pied du fond de la misère, ne nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. Nous dormons dans des villes, ombre parmi les ombres, des longs couteaux tirés. À deux doigts de l'Europe, on a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout devant les barbelés, sous le ciel minéral. Tu commences à ramper en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le drame du MC Ruby. Notre invité, Philippe Brossard. Bonjour. Bonjour. Journaliste actuel, directeur adjoint de la rédaction du Monde. En 1993, vous avez remporté le prix Albert Londres pour votre enquête « L'Odyssée tragique du MC Ruby ». Félicitations. Merci. Au passage. Alors, on n'a pas trop insisté sur l'octuple meurtre, parce qu'ils sont 8 à avoir été tués. Ils ont été tués par balles et jetés par-dessus bord, donc sauf Kingsley qui a réussi à s'en sortir et qui est reparti dans la cale numéro 3. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette histoire ? Écoutez, je vais vous raconter un peu les coulisses de cette affaire. De mon point de vue, ça commence par un ratage, comme on dit dans notre métier. C'est-à-dire qu'au moment où les faits se produisent au Havre, c'était donc un jeudi soir, comme l'a dit votre excellent récit, on apprend la nouvelle dans la journée du vendredi, les médias s'en saisissent. Et dans mon journal, Le Monde, qui est important, on ne lui consacre malheureusement qu'un petit article fait un peu à la va-vite par notre correspondant qu'on a appelé en catastrophe. Alors que tous les médias nationaux sont déjà sur l'affaire, ont déjà entendu Kingsley, nous arrivons avec le service minimum, si j'ose dire. Dans les jours suivants, mon chef direct, Edoui Plenel, que l'on connaît aujourd'hui parce qu'il est à la tête de Mediapart. Oh, qu'on connaissait déjà du Monde avec ses. Edoui vient me voir en me disant, c'est pas normal, c'est un ratage, on a maltraité cette histoire, il faut y revenir. Ouais. Va au Havre voir, dès que possible, le survivant. Et après, on débloquera les moyens qu'il faudra pour traiter cette enquête comme elle mérite de l'être. Parce que d'un côté, il y a les victimes, évidemment. De l'autre côté, les accusés. C'est une histoire qu'il faut raconter au long, comme on dit dans notre métier. C'est-à-dire y consacrer du temps, de la place, des moyens aussi. Je vais voir Kingsley au Havre, qui me raconte l'histoire qu'il a racontée à beaucoup d'autres médias. Donc de ce point de vue-là, je ne découvre pas grand-chose. Si ce n'est que je lui dis, moi ce qui m'intéresse, vu que j'arrive un peu après les confrères, c'est d'aller au Ghana. Et là, tout de suite, ça accroche avec lui, il se dit, tiens, quelqu'un qui veut aller plus loin et qui veut aller voir d'où je viens. Et pourquoi je pars. Et pourquoi je pars, bien voilà. Sûr. Et donc, je suis parti au Ghana. Je suis parti au Ghana, à Takoradi, sa ville d'origine, où j'ai rencontré sa famille et j'ai rencontré toutes les familles des différentes personnes qui ont été victimes de ce drame. Qu'est-ce que vous en avez retenu du sort de ces gens-là ? Des damnés de la terre, parce qu'ils n'ont pas choisi de vivre dans un pays pauvre, ils n'ont pas choisi de vivre pour les autres dans un pays politiquement dangereux. Qu'est-ce qu'il en ressort de ça ? Moi, ce qu'il en ressort, ce qui est assez à la fois effrayant, fascinant et surtout très émouvant, c'est d'aller au contact des familles dans le deuil, qui continuent à vivre, ou plutôt à survivre, parce que là, nous sommes à Amanful, qui est une sorte de quartier très populaire, voire de bidonville, au cœur de la ville de Takoradi. Takoradi, c'est 170 000 habitants, c'est un petit port à l'échelle de l'Afrique, mais qui a beaucoup de trafic. Et donc, je me retrouve dans ces familles, dans des habitations assez misérables, mais avec des gens qui sont profondément touchés et qui me parlent de leurs proches, d'un fils, d'un frère, d'un mari disparu. Et d'un seul coup, les victimes, un peu anonymes, un peu fantomatiques, un peu abstraites, prennent corps et prennent vie. Et là, toute ma mission de journaliste, c'est de recueillir les éléments sur ces personnes et de les rassembler en vue d'en faire un récit par la suite pour essayer de leur donner une sorte d'hommage posthume quelque part, même si je ne tombe pas totalement dans la compassion, il faut aussi garder une forme de recul. Mais voilà, ce sont des moments très émouvants, au contact d'une réalité sociale terrible, et il fallait aller sur place pour mesurer à quel point, dans cette ville, à cette époque, et sans doute est-ce un peu la même chose aujourd'hui, ces jeunes, 17, 25 ans, voire un peu plus, ne rêvait que d'une chose, c'est de partir. L'Europe, c'était un ailleurs un peu fantasmé, bien sûr. Et justement, quel est leur sentiment par rapport à ce drame des migrants dont ils font partie, ou des proches ont fait partie, même s'ils ne meurent pas. Ils savent que la traversée, le voyage est dangereux. Ils le savent, mais les rêves sont plus forts que le danger. Ils mesurent les risques encourus, mais sans doute pas autant qu'aujourd'hui. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Nous, on a... Oui, il y a 30 ans, presque. Voilà, on a en tête aujourd'hui les trajets, les passeurs, les informations disponibles, notamment via Internet. À l'époque, on n'est pas dans cette dimension-là. On est dans un coin d'Afrique, certes en contact avec le reste du monde, parce qu'il y a beaucoup de relations avec les marins, mais je pense par exemple qu'au moment où ils s'embarquent, ils rentrent, ils pénètrent clandestinement dans les cales du MC Ruby, ils ne savent pas du tout où va ce bateau, ni combien de temps va durer la traversée. Pour eux, ce sont des données de temps et de kilométrage qui sont totalement inaccessibles. On leur avait parlé quand même de l'Allemagne, de la France. Oui, mais ce sont des mots des pays lointains. Ils n'ont réellement aucune idée de l'endroit, où, à mon avis, où ils vont débarquer, ou essayer de débarquer. Ouais. Vous parlez dans votre enquête, je crois, d'une misère noire qui fait face à une misère blanche. Que voulez-vous dire ? Oui, parce que à partir du moment où on a enclenché ce processus de travailler au long cours sur cette affaire, donc d'aller au Ghana, je me suis dit, par souci d'équilibre et vis-à-vis de la vérité de cette histoire, du moins essayer d'atteindre la vérité de cette histoire à l'époque, avant le procès, hein, bien sûr, tout ça. Il fallait aller de l'autre côté. À Odessa ? Voilà. Donc j'ai cherché à comprendre qui étaient les victimes à Takoradi, et j'ai cherché à comprendre qui étaient les accusés du côté d'Odessa. Et donc là, je suis parti, ça a duré une quinzaine de jours, à la rencontre des familles, des marins qui, eux, étaient en prison au Havre, dans l'attente du procès. L'affaire était en cours d'instruction. Donc là, je suis allé, par exemple, dans la famille du commandant en second, dont on a beaucoup parlé dans le récit tout à l'heure. Et là, au risque de surprendre, c'est aussi mon métier de journaliste d'essayer de comprendre d'où viennent ces gens, de comprendre pourquoi ils travaillent sur ces bateaux, quel est leur parcours, quelle est la situation particulière de ce coin d'ex-Union soviétique à l'époque. Faut aussi, là, se remettre dans le contexte. Ce n'est pas l'Ukraine actuelle, c'est l'Ukraine post-soviétique. C'est peu de temps après la chute de... deux ans après la chute de l'URSS. Donc on est dans un entre-deux, entre la chute du communisme et le début d'une forme de capitalisme. On est dans un... Ce sont les années Yeltsin. Les années Yeltsin, les années un peu mafieuses aussi. Ouais, et Odessa, avec tous les trafics qu'implique toujours un port, est au cœur un peu de toutes sortes de business. Les marins, eux, qui sont pour la plupart de grands professionnels, ils gagnent leur vie comme ils peuvent. Et donc là aussi, à Odessa, au contact des familles, on prend la mesure de cette réalité. De cette misère blanche. Donc. Exactement. On va se retrouver dans 3 minutes, Philippe Brossard, après avoir écouté Rihanna, Lift Me Up. down. Keep me close, safe and sound. Inter. Affaires sensibles. Philippe Brossard, les histoires dramatiques ont aussi leur héros, leur personnage principal, en l'occurrence c'est Kingsley. Qu'est-il devenu et est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu ? Écoutez, comme c'était évoqué dans le récit tout à l'heure, effectivement, je crois qu'il est reparti dans son pays. Au Ghana, certes, mais... Parce qu'il a eu un épisode malheureux avec les producteurs et le réalisateur d'un film. Au-delà de ça, moi, je l'avais revu après mes périples au Ghana et en Ukraine. J'étais reparti, j'étais allé le voir à plusieurs reprises. J'ai même fait le go-between, si j'ose dire, entre sa famille et lui-même, parce que j'avais rapporté des photos de sa femme au Ghana. Enfin bref, ça avait créé entre nous une relation particulière. Après, quand j'ai eu la chance d'avoir le prix, lui-même s'est manifesté très gentiment et j'étais reparti le voir aussi. Mais après, j'ai plus eu de nouvelles. Voilà, il y a des personnages qui passent comme ça dans votre métier. Oui, de temps en temps, je me dis, tiens, ça serait bien, pourquoi pas, 30 ans après, d'essayer de le retrouver et d'aller le voir. Ça serait un sujet à part entière. Oui, pourquoi pas. Hein, on se retrouvera peut-être lors d'une rediffusion, puis vous nous expliquerez. Alors, le mobile de ce massacre, hein, on peut parler de massacre, après tout, ces Ghanéens, par rapport aux Ukrainiens, ce sont leurs frères d'infortune, puisqu'on l'a dit, ces Ukrainiens aussi rêvent d'ailleurs, d'un ailleurs. Oui. Après, donc, on a du mal à comprendre. Tuer après, des gens, mais, ouais, mais, pas jusqu'à tuer, mais après, finalement, il y a la pression du système. Expliquez-nous. Écoutez, oui, à l'époque, d'abord, faut voir une chose, ce sont des vrais marins professionnels, notamment pour l'encadrement issu de l'école soviétique, donc avec une forme de rigueur quasi militaire, et qui, au moment de l'explosion de l'URSS et de l'explosion donc aussi d'une forme, nouvelle forme de vie qui est le capitalisme, eh bien, ils essaient de gagner un peu plus d'argent pour survivre dans ce monde nouveau. Et ce qui s'ouvre à eux à Odessa, c'est la marine. Ce sont des postes payés en dollars qui leur permettent de voyager au fil des voyages, d'acheter aussi ou là des produits qu'ils ne trouveront pas dans leur pays, voire d'en faire un petit business. À Odessa, je me souviens très bien, m'être rendu sur une sorte de marché aux puces, où en fait, tous les gens qui étaient en contact avec l'étranger revendaient des choses achetées ici ou là. Donc, les marins du MC Ruby étaient un peu dans cette sorte de business. Et donc, à partir du moment où cet équilibre professionnel, ces gains qui leur permettent d'être dans une sorte de classe moyenne à Odessa, eh bien, à partir du moment où cet équilibre est menacé parce qu'il y a des clandestins, parce que ça va créer des problèmes avec l'employeur, parce qu'il va peut-être y avoir des retenues sur salaire des durées de voyage encore plus longues parce qu'il faudra gérer la question d'un point de vue administratif et légal, eh bien, tout cela fait que, pour préserver le boulot, ils ont basculé dans l'horreur. Encore une fois, c'est pas une excuse, c'est un constat, une explication de ce qui a pu se passer. En tout cas, justice a été rendue, hein, puisque les 6 ont été condamnés, un a été acquitté, les autres ont été condamnés, dont 2 lourdement, perpétuité. Mais c'est le procès de 6 hommes ou le procès d'un système, selon vous ? Je pense que c'était davantage le procès d'un système. Mmh. Le procès d'un système, certes, il y a les faits, il y a les hommes, il y a leurs responsabilités, mais derrière, ce qui a été mis en évidence, et qui est malheureusement toujours le cas, après ça, quelque part, fait un peu de surplace de ce point de vue-là. Et c'est ce que moi, j'ai découvert, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai découvert au cours de mon enquête, le fratras que compose cet univers des maires avec les affréteurs, les pavillons de complaisance, l'employeur, le propriétaire, ça donne le tournis. C'est la mondialisation par l'exploitation. Exactement. Mmh. Et donc, tout cela aboutit à quoi ? Aboutit à un rejet de responsabilité sur l'autre qui n'est pas l'autre, évidemment. Et ainsi de suite. Un système de poupée russe pour employer une expression. Alors, la justice l'a dit plusieurs fois, il faut une sanction exemplaire. Est-ce qu'elle vous paraît exemplaire ? Je pense qu'elle a marqué. Dans cet univers maritime si particulier, elle a marqué à l'époque. J'imagine qu'il y a encore de telles histoires, mais ça c'est su. C'est un milieu, notamment chez les professionnels, je pense qu'ils sont au courant. Et c'est une histoire qui a encore une fois profondément marqué. Parce qu'aujourd'hui, les drames des migrants qu'on retrouve noyé en Méditerranée, le drame c'est déplacé vers la Méditerranée, c'est le fait, c'est pas le fait de marins comme les Ukrainiens, ce sont passeurs. Non, il n'y a rien à voir, c'est un système de passeurs, de passage clandestin. À l'époque du MC Ruby, on était sur des cargos avec des chargements immenses comme on peut les voir aujourd'hui, avec des containers par centaines, et donc les clandestins essayaient de se glisser à bord. Il faut savoir qu'en 1992, donc l'année de ce fameux drame, 200 clandestins sont arrivés de cette manière dans le port du Havre. Sur des bateaux marchands, ukrainiens ou autres. Après, ils sont arrivés sur place et les marins ont dû signaler leur présence. Où il n'y a pas eu, justement, heureusement, de drame comparable à celui du MC Ruby. Mais voilà, c'était une situation relativement fréquente et c'était la même chose à Anvers, à Rotterdam, dans les grands ports européens. Bien, merci infiniment. Ce sera le dernier mot. Merci Philippe Broussard, journaliste. Je rappelle que vous êtes l'actuel directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le drame du MC Ruby, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.